Après tant de peurs, de soupçons et de douleurs, notre Seigneur opéra sur lui un miracle et le guérit d'âme et de corps, selon ce qu'il a coutume de faire en ses miracles, car il le rappela de ce monde de misère, en pleine possession de ses facultés et de son entendement, conservant la mémoire, ayant reçu tous les sacrements, ne souffrant douleur qu'on pût discerner, mais gardant l'usage de la parole jusqu'au pater qu'il dit avant de mourir. Il régla ses funérailles, précisant qui devait l'accompagner et par quel itinéraire. Et il disait qu'il espérait ne pas mourir avant le samedi et que cette grâce lui serait obtenue par Notre-Dame, en qui toujours il avait mis sa confiance, lui vouant prière et grande dévotion. Et ainsi lui advint en effet, car il décéda le samedi, avant-dernier jour d'août 1483, à 8 heures du soir, au lieu dit du Plessis, où il était tombé malade le lundi précédent. Puisse notre Seigneur l'avoir bien voulu recevoir en son royaume de paradis. Amen.